vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou Canal Sud.net sur la région toulousaine et sur le net. L'émission, c'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Comme vous avez déjà remarqué, Nuisance, ça nuit, et ça, c'est bien dit. Incidemment, nous sommes le 28 avril 2017. Et c'est un vendredi, comme tous les vendredis de 21h à 23h, Nuisance commence. À 21h environ. 2017. Ils viennent avec leur, ordi et leur logiciel de beat. Je ne sais pas si tu as vu ça. Donc ils ont un logiciel, ils ont l'ordi avec un logiciel. Pour passer d'un morceau à l'autre, tu as un régulateur de beat, tu as un truc qui va te porter un beat pendant un moment. Possible qu'il ait pris un coup ou tu sais, à force de le lever, de le baisser à chaud. Ouais, les écrans. Il se lève pas celui-là. Si, non, il bouge. Il y a une couleur qui est plus blanche. Il bouge. Mais ouais, mais ça c'est le. Il a pas énormément, mais il y a un peu quoi. Moi je touche pas moi. Voilà. Et à base de ça, quoi. C'est le câble, en fait, c'est le câble. C'est le câble. fait bien sans mal d'apporter ça. Ça va, ça fait longtemps que je suis arrivé à Mercure aussi. Enfin, j'ai jamais vu un bien vu comme ça.

Chérie, t'étais où? Je t'aime tellement, tu sais. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me gonfles, va te faire un buzz? Mais non, non, je vais pas te gonfler de faire un buzz, non. Vas-y, fais un buzz. Attends, je suis plein solo, tu sais. Et alors, j'ai plein de messages pour toi. De qui? T'as plein de messages pour moi? Oh, par mon corps de messages. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je sais très bien que tu vois ce que je veux dire, c'est pas l'idiot. Oh merde. Tu veux dire que... Oh mon dieu, tu sais. C'est ça. Oh non. Et si? Il va falloir que je me... Oh, oui. Ça? Oui. Bon, d'accord. Justement. C'était quelque chose d'important à me dire, le dis pas maintenant. Surtout pas. Oh, tu chies. Ça, c'est ton marrant. Oui. Allô? Allô? Je ne t'entends pas, je suis occupé. Allô? Allô? Je ne t'entends pas, j'ai un casque sur les oreilles. c'est de l'ambiance. C'est de l'ambiance. C'est de l'ambiance. C'est de l'ambiance. C'est de l'ambiance. Scratch for the time. not like forever is everywhere and now, you know what I mean? It's not like we're always going there, and it's all the same thing, tu sais. C'est pas comme si c'était tout le temps la même chose et que ça se répétait encore et encore. Le cycle se répète encore et encore, tu sais. C'est pas comme si je savais ce qui se passait. C'est pas comme si je savais ce qui se passait pas. C'est pas comme si. C'est pas comme si. C'est pas comme si. Canal Sud. Nuisance. Vendredi de 21h à 23h sur Canal Sud. Nuisance. Il est 22h25 et nous sommes le 28 avril 2017, vendredi. Ouais. C'est vrai ça. Vous n'entendez pas ce que je dis. Vous n'entendez pas ce que je dis. Vous n'entendez pas ce que je dis. Vous n'entendez pas ce que je dis. Vous n'entendez pas ce que je dis. Vous n'entendez pas ce que je dis. Ou très peu, vous savez. C'est pas comme si c'était dit avant. C'est pas comme si ça peut se dire que les choses suscitent, peuvent se dire. Bon ben, je sais pas si vous m'entendez clairement, parce que j'ai peut-être pas assez monté le micro et peut-être que j'ai envie d'éructer aussi. Donc c'est pour ça que je me demande si je parle assez fort. Voilà, donc nuisance pour ce soir, exceptionnellement. Et ben c'est fini. C'est fini parce que je suis fatigué, j'ai Jasmine dans les pattes et que j'ai pas d'invité. Alors, du coup, ben, je vais me reposer. Mais si vous voulez écouter encore de la nuisance, ou des nuisances, ben, c'est toujours le vendredi de 21h à 23h sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Allez, passez une bonne soirée.